prennent les armes. This is you, John, my hero. Dans leur habit de lumière, ils mènent l'art de la guerre avec talent, avec brio. Five.